les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1963, Marthe Robert retraçait pour les ondes de la radiodiffusion française les grandes étapes de la vie et de l'œuvre de Freud dans une série de 28 émissions intitulée « La révolution psychanalytique ». L'une des premières publications de Freud, ce livre intitulé en allemand « Die Traumdeutung », « L'interprétation du rêve », paru en 1899 et longtemps traduit en français de façon impropre sous le titre « La science des rêves », passa pendant près d'une dizaine d'années quasiment inaperçu. Après avoir présenté dans les 9e et 10e épisodes de la série les tenants et les aboutissants de cette théorie du rêve, Marthe Robert décrivait dans les deux épisodes suivants la solitude qui fut celle de Freud à cette période de son existence, à l'orée du XXe siècle. Âgé de 40 ans passés, il était confronté à des difficultés financières et à l'indifférence ou l'hostilité du monde scientifique, dont il rencontre dans ses lettres à son ami Wilhelm Fliess, qui rappelle combien sa lutte pour imposer ses idées fut âpre à ses débuts. La révolution psychanalytique, 11e et 12e volet, première diffusion sur France 3 Nationale, les 2 et 9 mars 1963. RTF France 3 Nationale présente La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série. La révolution psychanalytique, une suite d'émissions composées par Marthe Robert. Aujourd'hui, le rêve et la réalité. Réalisation, Raoul Auclair. Ni l'avènement du siècle, ni la publication de la science des rêves n'apportèrent d'abord grand changement à la vie matérielle de Freud, qui demeurait mal assuré et laissait prévoir parfois des jours sombres. Outre ses 6 enfants, Freud avait en partie à sa charge sa mère et 2 de ses sœurs restées célibataires, sans compter sa belle-sœur, Mina Bernays, qui, après la mort de son fiancé, vint vivre à son foyer et y resta toute sa vie. Avec des charges de famille aussi écrasantes et des moyens de subsistance extrêmement aléatoires, l'établissement d'un budget devait être fort problématique. Au tournant du siècle, Freud désespéra souvent d'en venir à bout et, dans ses moments de découragement, douta même s'il sortirait jamais de la pauvreté. C'est en 1897 que ses lettres à Fliess commencent à trahir son inquiétude. Cette année-là, en effet, il a reconnu qu'il s'était trompé en présentant comme une réalité la séduction précoce des hystériques. Et si cette erreur n'ébranle pas sérieusement les fondements de sa psychologie, elle ne laisse pas d'entamer sa foi dans ses propres capacités thérapeutiques. Or, ce doute sur lui-même gêne ses relations avec ses malades et entrave son travail, d'où les fluctuations de sa clientèle qui, à certains moments, prennent des proportions inquiétantes. En outre, les relations de Freud avec ceux de ses confrères qui eussent pu alimenter sa clientèle se gâtent de plus en plus, à mesure qu'on connaît ou croit connaître ses idées. Qui irait se compromettre en exposant une dame ou une jeune fille de la bonne société à ses procédés choquants? Les confrères s'en gardent bien, aussi Freud se trouve-t-il privé d'une source importante de clients, et un beau jour de 1897, il constate mélancoliquement qu'il n'a plus que 3 cas à traiter, 2 qu'il a accepté de soigner gratuitement, et, comme c'est l'époque de son auto-analyse, le sien. À d'autres moments, en revanche, les clients s'abattent sur lui, dit-il, comme une avalanche. Il fait alors 10 ou 12 psychothérapies par jour et se sent positivement assommé. Puis, de nouveau, sa consultation se vide, de sorte qu'il a tout le loisir de rêver, mais ne sait plus de quoi il va vivre. Vers la fin de 1899, la situation est si mauvaise que Freud se résout à solliciter un poste dans un établissement hydrothérapique qui lui procurerait au moins un salaire fixe. Mais, pour de quelconques raisons, sa demande n'eut pas de suite. C'est certainement pour mettre fin à cette incertitude alarmante que Freud, en 1897, posa sa candidature au titre de professeur extraordinaire. Titre purement honorifique, puisqu'il ne comportait pas de charges précises à la faculté, mais propre à rehausser son prestige aux yeux de la société viennoise, fort entichée de distinctions et de grades. La première démarche de Freud auprès de 3 professeurs, dont Nothnagel, l'un de ses anciens maîtres, resta absolument sans résultat, pour des motifs qui tenaient d'abord à l'antisémitisme des milieux officiels et, en grande partie aussi sans doute, à la réputation de Freud en matière de sexualité. Comme ces raisons n'étaient jamais clairement avouées et que Freud se heurtait partout au silence, il cessa bientôt ses démarches. Tous les ans, donc, il constatait avec amertume que son nom ne figurait pas sur les listes de promotion. En 1900, toutes les propositions soumises au ministre sont acceptées, sauf la sienne. Il a tout juste la consolation de voir tardivement nommer son vieil ami Königstein, l'oculiste, à qui il avait confié jadis l'expérimentation de la cocaïne. Et sans doute les choses en seraient-elles restées là, si un événement apparemment bien anodin n'eût donné à Freud l'envie et le courage de recommencer à lutter. Cet événement est aussi éloigné que possible du domaine professionnel, sur lequel, de l'aveu de Freud lui-même, il devait bientôt après avoir une profonde influence. Il s'agit en effet du premier voyage à Rome qu'il fit en 1901, voyage dont il avait rêvé toute sa vie, mais qu'il n'avait pu faire jusque-là en raison d'une disposition intérieure extrêmement particulière que seule l'analyse lui permit de surmonter. Le fait d'avoir pu rompre la sorte de charme magique qui chaque fois l'arrêtait contre son gré aux portes de la ville, ce fait, en apparence si banal, acquit pour lui une valeur immense. Il confirmait sa théorie psychologique et ses idées sur le rêve, et en cela déjà, lui apportait comme une garantie de succès. Nous avons déjà signalé l'étrange mélange de sentiments qu'inspiraient à Freud les voyages, et spécialement les voyages en train, source d'une violente angoisse qu'il avait parfois peine à dominer. D'un côté, les voyages étaient une véritable passion, l'une des rares qu'il garda toute son existence avec celle du jeu de cartes et de l'archéologie. D'un autre côté, ils étaient l'objet d'une sorte de phobie assez forte, sinon pour empêcher le projet de s'accomplir, du moins pour le rendre très pénible. Dans le cas de Rome, cette situation était franchement humiliante. À plusieurs reprises, il s'était mis en route avec courage et espoir, mais chaque fois, il lui avait fallu s'arrêter au bord du lac de Trasimène comme s'il n'avait pas le droit d'aller plus loin. Force lui fut donc de constater que la ville, tellement convoitée, était pour lui le lieu d'un mystérieux tabou, ou encore une inaccessible terre promise. Pendant les dernières années du siècle, Wilhelm Fliess est naturellement le pivot de ses projets de voyage romain, qui reparaissent avant chaque congrès. Aller avec Fliess dans la ville éternelle pour y échanger des idées sur les choses éternelles, c'est là un bonheur dont Freud caresse longtemps l'idée, mais qu'il n'atteindra pas sous cette forme, car il ira seul à Rome, et Fliess alors sera bien prêt de sortir de sa vie. C'est que son ami de Berlin, comme il l'appelle dans le passage suivant de la science des rêves, n'était pas lié à la Rome réelle, mais à cette Rome symbolique, dont le seuil, nous dit-il avec une réticence pleine d'ironie, lui était interdit pour des raisons de santé. J'ai pu remarquer que le souhait qui provoque le rêve, lors même qu'il est actuel, est bien renforcé par des impressions venues de notre enfance. Il s'agit d'une série de rêves qui trahissent mon désir d'aller à Rome. Longtemps encore, je devrais me contenter de satisfaire ce désir en rêve, parce que, à l'époque où je peux voyager, il me faut éviter d'aller à Rome pour des raisons de santé. Je rêve un jour que je vois le Tibre et le pont Saint-Ange de la fenêtre du wagon. Puis le train se remet en marche, et je pense que je ne suis pas descendu dans la ville. Une autre fois, on me mène sur une colline, et on me montre Rome à moitié cachée par la brume, et encore si éloignée que je m'étonne de la voir si clairement. Le contenu de ce rêve est plus riche que je ne l'indique ici. On y reconnaît aisément le cliché, voir de loin la terre promise. Dans un troisième rêve, je suis enfin à Rome, mais je suis déçu parce que je ne vois pas de ville. Un petit fleuve aux eaux sombres, d'un côté des rochers noirs, de l'autre des prairies avec de larges fleurs blanches. Je remarque un monsieur Zucker que je connais peu et décide de lui demander la route de Rome. Il est clair que je cherche vainement à voir en rêve une ville que je n'ai jamais pu voir tout éveillée. Si je décompose le rêve en ces éléments, les fleurs blanches indiquent Ravenne, que je connais bien et qui eut quelque temps le rang de capitale. Le rocher sombre, si proche de l'eau, rappelle la vallée de la Teppe, près de Carlsbad. Le souvenir de Carlsbad me permet d'ailleurs d'expliquer pourquoi je demande mon chemin à M. Zucker. Il y a, au fond de tout cela, deux de ces joyeuses anecdotes juives qui renferment tant de profonde et parfois d'amère sagesse, et que nous citons si volontiers dans nos lettres et nos conversations. L'une est l'histoire du pauvre juif qui s'est glissé sans billet dans le rapide de Carlsbad. On l'attrape, on le chasse du train chaque fois qu'il y a un contrôle, et on le malmène de plus en plus. Un ami le rencontre à l'une des stations de cette voie douloureuse et lui demande où il va. Et il répond « À Carlsbad ». Si ma constitution peut le supporter. L'autre est celle du juif qui ne sait pas le français et à qui on persuade malignement de demander à Paris le chemin de la rue de Richelieu. Aller à Paris fut longtemps un de mes souhaits, et la joie que j'éprouvais en mettant le pied sur le pavé de Paris me parut une garantie de la réalisation d'autres vœux. Demander son chemin est une allusion directe à Rome, car on sait que tout chemin mène à Rome. De plus, le nom de Zucker nous ramène à Carlsbad, où nous envoyons tous ceux qui sont atteints de diabète, maladie constitutionnelle. L'occasion de ce rêve me fut sans doute fournie par un de mes amis de Berlin qui me proposa de nous retrouver à Prague pour Pâques. Nous devions, entre autres choses, parler du sucre et du diabète. On a sûrement noté au passage la prédilection de Freud pour les histoires juives, et le talent avec lequel il les applique à sa propre situation. En fait, il voyait dans ces humbles productions de l'esprit non seulement une profonde et amère sagesse, mais une énigme psychologique, analogue à celle qui stimulait tellement sa pensée. Aussi, dès avant 1900, il avait commencé d'en faire une collection qui devint le premier noyau du mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient, l'un de ses livres les plus riches d'idées. Pendant les années noires dont nous parlons maintenant, les histoires juives se pressent constamment sous sa plume, et bien entendu, ce ne sont pas les plus gais. Fliss veut-il connaître son propre sentiment à l'égard de la science des rêves? Il lui répond par l'histoire de l'oncle Jonas qui va se marier. Eh bien, mon oncle, comment est-elle, cette fiancée? C'est une affaire de goût. Moi, elle ne me plaît pas. Et tout au long de ses lettres court le petit resquilleur du train de Carlsbad qui exprime si bien ses craintes de ne pas tenir longtemps encore sous les coups d'une malchance persistante. Sa constitution ne supportera peut-être même pas le voyage jusqu'à Carlsbad. Comment, dans ces conditions, oserait-il aller à Rome? Lors de mon dernier voyage en Italie, passant devant le lac de Trasimène, après avoir vu le Tibre et avoir dû tristement rebrousser chemin à 80 km de Rome, je compris quelles impressions d'enfance avaient renforcé ma nostalgie de la ville éternelle. Je pensais précisément que, l'année suivante, je pourrais passer par Rome en allant à Naples, et une phrase que j'avais sans doute lue dans l'un de nos classiques me revint. « Qui sait lequel arpenta sa maison le plus impatiemment lorsqu'il conçut le projet d'aller à Rome, d'Annibal le guerrier ?» ou de Winckelmann, le vice-recteur. J'avais suivi les traces d'Annibal. Il ne m'avait pas été donné de voir Rome. Lui aussi était allé en campagne alors qu'on l'attendait à Rome. Annibal, avec qui je me trouvais cette ressemblance, avait été le héros favori de mes années de lycée. Quand nous avions étudié les guerres puniques, ma sympathie, comme celle de beaucoup de garçons de cet âge, était allée aux Carthaginois, non aux Romains. Dans les classes supérieures, quand je compris quelles conséquences aurait pour moi le fait d'être de race étrangère et que les tendances antisémites de mes camarades m'obligèrent à prendre une position nette, j'eus une idée plus haute encore de ce grand guerrier sémite. Annibal et Rome symbolisèrent à mes yeux d'adolescent la ténacité juive et l'organisation catholique. La signification qu'a prise depuis dans nos esprits le mouvement antisémite a contribué à fixer les pensées et les sentiments de cette époque. Ainsi, le souhait d'aller à Rome est devenu dans la vie du rêve le voile et le symbole de plusieurs autres souhaits très ardents qu'il me faut travailler à réaliser avec la constance et l'obstination du Carthaginois et qui semblent aussi peu favorisés par la destinée que le fut jadis le désir d'Hannibal. Ici, Freud enchaîne à ses souvenirs une anecdote que nous avons déjà rapportée et qui avait laissé en lui une impression indélébile. C'est la scène où son père, Jacob Freud, est humilié par un chrétien qui jette son bonnet tout neuf dans la boue et le force à le ramasser. À cette scène dégradante, le jeune garçon blessé en avait substitué une autre, bien propre à ranimer sa fierté, celle où Hamilcar fait jurer à son fils Hannibal de le venger des Romains. Ainsi, le petit Sigmund s'était identifié avec Hannibal pour venger son père de l'affront qu'il imputait à Rome. Et il l'avait fait si étroitement que, dans son âge mûr, le héros carthaginois hantait encore ses rêves et l'obligeait à manquer son but. Freud ne s'appesantit pas sur les raisons profondes de cette inhibition étrange qu'il parvint à vaincre grâce à son auto-analyse à l'âge de 45 ans. Sa réticence, qui laisse dans l'ombre l'essentiel peut-être de ses rapports avec Rome, a stimulé naturellement la curiosité de maint auteur et donné lieu à une foule d'hypothèses plus ou moins extravagantes. Notons que la plupart de ces interprétations jouent sur l'opposition qui apparaît ici entre Rome et le judaïsme. Freud aurait eu une secrète admiration pour le pape, d'où l'importance de son maître Brücke, dont le nom signifie « pont » et se rapproche de « pontife ». Une nostalgie inavouée de la Sainte Trinité, parce qu'il avait l'habitude de gravir trois marches à la fois, et en fin de compte, le désir inconscient de se convertir au catholicisme pour se faire une place dans le monde. Il va sans dire que de pareilles conclusions ne trouvent pas l'ombre d'une confirmation dans les rêves de Freud, même analysés plus complètement, et aucun soutien dans sa vie. S'il n'a pas révélé le secret de son amour et de son aversion pour Rome, deux sentiments extrêmes et intimement mêlés, Freud a pourtant guidé sûrement son lecteur vers l'explication la plus simple, qui, pour lui, était aussi la plus difficile à publier. Dans une note de La science des rêves, en effet, il suggère un rapprochement entre sa propre inhibition et certaines croyances antiques liées au symbole maternel de la cité. L'oracle des Tarquins prédisait que le maître de Rome serait celui qui, le premier, embrasserait sa mère. Jules César ayant rêvé qu'il avait des relations avec sa mère, il en conclut qu'il posséderait la terre. Et Hérodote raconte qu'Hippias conduisit les barbares à Marathon après avoir rêvé qu'il dormait auprès de sa mère. De fait, il arriva à Athènes et recouvra son autorité. Ces rêves édipiens que Freud appelle sincères parce qu'ils trahissent tout uniment le désir profond du dormeur, il invite clairement à s'en servir pour expliquer les siens. On conçoit maintenant l'importance à première vue démesurée, presque absurde, qu'il attache à son premier voyage à Rome. Un événement culminant, dit-il, à quoi il attribue un retentissement immédiat sur sa condition sociale. À l'âge de 45 ans, après avoir lutté pendant des années pour ne pas reconnaître la vérité cachée derrière ses rêves et son bizarre symptôme, il parvient à un point essentiel de sa connaissance de lui-même et du même coup peut entrer dans Rome. La fin de cette longue épopée intérieure qui, au dehors, n'est évidemment qu'une banale aventure de touriste, lui donne l'espoir de triompher aussi ailleurs, s'il ose s'emparer des armes nécessaires à la lutte. La seule relation que nous ayons de ce voyage mémorable est une lettre à Wilhelm Fliss, où Freud parle enfin de la Rome réelle et se montre à demi déçu. Je devrais maintenant te donner mes impressions sur Rome, ce qui est difficile. Il s'agissait, tu le sais, d'un fait extrêmement important, d'un rêve longtemps caressé. Toutes les réalisations de ce genre sont toujours un peu décevantes quand on les a trop longtemps attendues. Néanmoins, il s'agit tout de même d'un point culminant de mon existence. Mais, tandis que j'ai contemplé la Rome antique paisiblement, sans trouble, j'aurais pu, près du forum de Nerva, adorer ces fragments du temple de Minerve dans leur pauvreté et leur dégradation. Il m'a été impossible de tirer de la joie de la deuxième Rome. Sa signification me troublait. J'étais poursuivi par l'idée de ma propre misère et de toutes les misères dont je sais l'existence. Je ne puis supporter le mensonge de la rédemption des hommes qui dresse si orgueilleusement sa tête vers le ciel. Je trouve que la troisième Rome, l'italienne, promet beaucoup et est fort sympathique. Dès son retour à Vienne, Freud prit sérieusement ses affaires en main. S'il voulait avoir le titre de professeur, il fallait qu'il parvînt, d'une manière ou d'une autre, à briser la résistance du ministre, Wilhelm von Hartl, ou du moins à le circonvenir. Il se chercha donc des appuis solides, et en trouva, qui, cette fois, lui permirent enfin d'aboutir. L'affaire prit la tournure d'un marché. La protectrice de Freud, la baronne Ferstl, qui était en traitement chez lui, paya la nomination de Freud d'un tableau de maître dont elle fit cadeau au ministre. Le 11 mars 1902, Freud envoya à Fliss, qui l'avait félicité, le compte-rendu exact et combien humoristique de ce ténébreux marché. Voilà donc ce que peut faire un titre d'excellence, même m'apporter de nouveau ta voix chère dans une lettre. Mais puisque, au reçu de la nouvelle, tu as prononcé les grands mots de distinction méritée, de maîtrise, etc., je me sens obligé, poussé par mon néfaste besoin habituel de franchise, de te dire comment les choses se sont passées. En réalité, tout est mon œuvre. À mon retour de Rome, je sentis renaître en moi le goût de vivre et d'agir, et s'évanouir ma soif de martyr. Ma clientèle avait fondu et j'avais retiré ma dernière publication de l'imprimerie, puisque peu de temps auparavant, j'avais perdu en toi mon dernier public. Je me dis qu'une grande part de ma vie pouvait encore se passer à attendre le succès, et qu'entre-temps, personne ne se soucierait de moi. Or, je tenais à revoir Rome, à soigner mes malades et à procurer à mes enfants une existence agréable. C'est pourquoi je décidai de rompre avec mes scrupules étroits et de faire des démarches appropriées, comme tous les autres humains. Il faut bien que le salut vienne de quelque part. Le titre de professeur est la voie que j'ai choisie. Freud raconte alors par le menu les démarches qu'il s'était imposées. Un de ses anciens maîtres, Exner, successeur de Bruck à la chaire de physiologie et attaché au ministère de l'Éducation, lui avait laissé entendre que le ministre était prévenu contre lui. Aussi avait-il décidé de faire appel à une vieille cliente et amie, la femme du conseiller aulique Theodor Gompertz, le philosophe qui, dans sa jeunesse, lui avait confié la traduction d'un livre de Stuart Mill. Madame Gompertz alla voir le ministre et lui conta la longue attente de Freud. « 4 ans, dit le ministre. Et qui est-ce ? » Freud sollicita encore l'appui de 2 autres sommités médicales, mais le ministre fit la sourde oreille et la chose parut une fois de plus devoir échouer. C'est alors qu'une dame fort influente, la baronne von Ferstel, piquée sans doute d'émulation, décida d'agir seule, en usant des moyens que lui donnait la pratique du monde, les seuls efficaces dans une société passionnément attachée à ses préséances et ses préjugés. Elle n'eut de repos qu'elle n'eût fait la connaissance du ministre dans le monde. Elle se fit bien voir de lui, et par l'intermédiaire d'une amie commune, obtint sa promesse de nommer professeur le médecin qui l'avait guéri. Sachant fort bien que cette première promesse ne signifiait rien, elle parvint à avoir avec lui un entretien privé. Je crois bien que si un certain Böcklin lui avait appartenu au lieu d'appartenir à sa tante, j'aurais été nommé 3 mois plus tôt. Ainsi, son Excellence devra se contenter d'un tableau moderne, non pour lui-même naturellement, mais pour la collection qu'il est en train de constituer. Finalement, à l'occasion d'un dîner offert au ministre par ma cliente, il lui apprit fort aimablement que l'acte se trouvait déjà entre les mains de l'empereur et qu'elle serait la première à être informée de ma nomination. Elle arriva un jour à la séance, rayonnante et brandissant un pneu du ministre. La chose était faite. Le Wiener Zeitung n'a pas encore publié l'information, mais le bruit de ma nomination, émanant des bureaux officiels, s'est répandu avec rapidité. L'approbation du public m'est acquise. Vœux et envois de fleurs pleuvent, comme si, soudain, le rôle de la sexualité avait été officiellement découvert par Sa Majesté, la signification des rêves confirmée par le Conseil des ministres, et la nécessité d'une thérapeutique psychanalytique de l'hystérie votée par le Parlement à la majorité des 2/3. Me voilà visiblement redevenu honorable. Mes admirateurs les plus intimidés me saluent de loin dans la rue. Après avoir constaté, non sans quelque amertume, qu'il a fait ses premières courbettes devant l'autorité et, par conséquent, est fondé à en attendre une récompense, Freud conclut par un retour sur lui-même qui est sa dernière confidence à Wilhelm Fliss. Dans toute cette histoire, il y a quelqu'un qui a de longues oreilles et dont tu n'as pas assez tenu compte dans ta lettre. C'est moi. Si j'avais fait ces quelques démarches il y a 3 ans, j'aurais été nommé à cette époque et me serais épargné bien des tracas. D'autres sont aussi malins sans avoir besoin d'aller d'abord à Rome. Voilà le glorieux événement auquel je dois, entre autres choses, ta lettre amicale. Je t'en prie, garde le contenu de la mienne pour toi. Cette lettre met fin à la correspondance passionnante que Freud a échangée avec Fliss pendant 10 ans et où il a fixé ses propres traits avec le talent d'un écrivain et un amour incorruptible du vrai. Depuis quelque temps déjà, les lettres de Fliss s'étaient espacées et bientôt Freud cessa complètement d'écrire. Il avait tout fait pour prolonger cette amitié sous laquelle, pendant si longtemps, avait couvé à son insu de violentes passions infantiles. Désabusé par son auto-analyse, il connaissait maintenant la nature de son attachement, et par surcroît, il voyait que l'homme qu'il admirait le plus au monde, son seul public, ne comprenait ou n'acceptait pas vraiment ses idées. Il se résigna donc, pour se conquérir définitivement lui-même, à perdre son dernier ami. RTF France 3 National vous a présenté La Liberté Coupable. La Liberté Coupable, deuxième série. La Révolution Psychanalytique, une suite d'émissions composée par Marthe Robert. Aujourd'hui, le rêve et la réalité. Avec les voix de Michel Bouquet, Roger Bray, Jacques Bretonnière, René Farabet, Jean Muselli, Jean Topard. Prise de son Pierre Simon, réalisation Raoul Auclair. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 2 mars 1963. Tout de suite, le 12e volet de cette série, diffusé la semaine suivante. RTF France 3 National présente en seconde diffusion La Liberté Coupable. La Liberté Coupable, deuxième série, La Révolution Psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, Jacques Bretonnière, René Farabet, Jean Muselli et Jean Topard dans Freud et la science. Freud a rappelé à plusieurs reprises les extraordinaires difficultés qu'il lui avait fallu vaincre pendant 10 ans pour mettre fin à son exil scientifique. Ainsi, il dit dans son autobiographie « Pendant plus de 10 ans après ma rupture avec Breuer, je n'eus pas un seul disciple. Je restais absolument isolé. À Vienne, on m'évitait. L'étranger m'ignorait. La science des rêves, publiée en 1900, fut à peine mentionnée dans les revues de psychiatrie. Dans ma contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, j'ai donné comme exemple de l'attitude des cercles psychiatriques de Vienne une conversation que j'eus un jour avec un assistant qui avait écrit tout un livre contre mes théories sans toutefois avoir lu mon livre. On lui avait dit à la clinique que ça n'en valait pas la peine. Le médecin en question, devenu agrégé depuis, s'est permis de démentir le propos et, en général, de mettre en doute la fidélité de ma mémoire. Je maintiens chaque mot de ce que j'ai alors rapporté. Dans le texte auquel il fait allusion ici, l'histoire du mouvement psychanalytique, écrite en 1914, Freud expose les raisons profondes de cette attitude humiliante qui, à Vienne au moins, persévéra pendant de nombreuses années. Ces raisons, sa foi en la science était si grande qu'il mit longtemps à les percer à jour. Je traitais mes découvertes comme des contributions impersonnelles à la science. Et j'attendais des autres qu'ils en fissent autant. Mais le silence qui se faisait après mes conférences, le vide qui se créait autour de ma personne, les allusions désobligeantes que l'on me rapportait, tout cela me fit comprendre peu à peu que mes idées touchant le rôle de la sexualité dans la jeunesse des névroses ne pouvaient espérer être traitées de la même façon que d'autres communications scientifiques. Je compris qu'à partir de maintenant, je faisais partie de ceux qui, comme dit Hebel, ont secoué le sommeil du monde et que, par suite, je ne devais m'attendre de la part des autres à aucune espèce d'objectivité ou d'indulgence. Ce que les milieux scientifiques refusaient à Freud parce qu'ils le jugeaient indigne même d'être lu, ils ne pouvaient l'attendre du public qui, lui, n'abordait ses travaux qu'avec une curiosité malsaine ou maligne. Il s'en aperçut un jour de 1901 à l'occasion d'une conférence qu'il devait faire à la Société de philosophie et qui, à la suite d'incroyables pourparlers, fut finalement annulée. En général, Freud ne parlait pas en public en dehors de ses cours à l'université. Le seul endroit où il fit parfois des conférences était le cercle juif Bnei Brit, cette association libérale à laquelle il s'était inscrit vers 1897 et dont il fut membre toute sa vie. Là, en effet, la sympathie, la bonne volonté et la soif de savoir du public lui étaient tout acquises. Tandis qu'ailleurs, il pouvait supposer chez ses auditeurs, sinon des intentions franchement malveillantes, du moins de déplaisantes arrière-pensées. Pour une fois, Freud avait accepté la proposition de la Société de philosophie, mais sans aucun enthousiasme. Et en préparant son exposé, il revint tout à fait sur sa décision, le sujet trop intime lui paraissant déplacé devant un public mélangé et probablement peu sérieux. J'envoyais donc une lettre pour annuler la séance. Première semaine. Là-dessus, deux messieurs sont venus me trouver pour tâcher de me faire changer d'avis. Je les ai tout à fait découragés et invités à venir un soir entendre la conférence chez moi. Deuxième semaine. La troisième semaine, je fis mon exposé devant ces deux hommes, lesquels me dirent qu'il était magnifique et qu'ils ne voyaient aucun inconvénient à le présenter à leur public. La conférence fut alors fixée pour la quatrième semaine. Quelques heures avant, je reçus un pneu m'annonçant que certains membres avaient soulevé des objections et qu'on me demandait d'illustrer d'abord mes théories par des exemples simples et anodins, d'avertir ensuite que j'allais aborder des sujets plus choquants, puis d'attendre quelques instants afin que les dames puissent quitter la salle. Bien entendu, je refusai immédiatement, et ma lettre de refus, elle, fut assez pimentée et salée. Tel est l'avis scientifique qu'à Vienne. La réputation que faisait à Freud le mépris des savants autant que l'ignorance émoustillée du public, il crut d'abord que sa probité scientifique, la rigueur et le ton élevé de ses travaux en auraient finalement raison. Mais si on ne le lisait pas, à quoi bon toutes ces qualités? À quoi servait l'examen minutieux de la littérature sur le rêve qu'il avait mis en tête de son livre et les observations patientes qu'il regardait à bon droit comme d'irréfutables preuves? Découragé, il finit par se résigner à cette situation paradoxale qui le ravalait au rang d'une sorte de mage à la moralité douteuse. Et il tâcha de s'accommoder de son destin. Je me représentais ce destin de la façon suivante. Je réussirais probablement à subvenir à mes besoins grâce au succès thérapeutique de mon nouveau procédé, mais de mon vivant, la science ne tiendrait aucun compte de mon existence. Quelques dizaines d'années plus tard, un autre ne manquerait pas de tomber sur ces mêmes choses qui, actuellement, sont en avance sur leur temps. Il parviendrait à les faire reconnaître et de la sorte me rendrait hommage comme à un précurseur nécessairement malchanceux. En attendant, nouveau Robinson, je tâcherai de m'installer aussi commodément que possible sur mon île solitaire. Quand il écrit ces lignes, c'est en 1914, plus de 10 ans après la période qu'il évoque, Freud semble avoir quelque peu oublié les souffrances que lui causait son isolement scientifique, principal thème de ses lettres à Fliss. C'est qu'à cette époque, il vient de rompre avec Jung et qu'il voit s'écrouler les immenses espoirs qu'il avait fondés sur cet homme, à tous égards si différent de lui. Quelques années auparavant, l'adhésion à ces idées du grand psychiatre suisse Bleuler et de ses plus brillants élèves avait été pour Freud un événement inespéré. Il y avait vu la fin du maléfice viennois qui pesait si lourdement sur le destin de la psychanalyse, la fin de ce ghetto moral et social qu'il avait construit, bien contre son gré, autour de la nouvelle science, et où ses tout premiers disciples, juifs comme lui, restaient nécessairement confinés. Avec la Suisse, c'était la science européenne, un monde intellectuel libre, sans frontières ni discrimination de race, qui s'ouvrait enfin à ses recherches. Jung était plus jeune, plus fort, mieux armé que lui pour imposer leurs idées communes. Il serait son héritier spirituel et, sous sa garde, la psychanalyse pourrait, sans se compromettre, trouver un champ d'action à sa mesure. Nous verrons bientôt sur quelles graves illusions reposait cet espoir. Bien des choses dans la personne de Jung eussent pu alarmer Freud dès le début et avaient effectivement inquiété la plupart de ses disciples viennois. Jung, en effet, était une nature vigoureuse qui joignait à des dons intellectuels éclatants une vaste culture et une belle imagination. Mais cette robustesse cachait de singulières faiblesses, s'il faut compter pour telle ce que le professeur Etiamble appelle le péché capital de notre temps, l'antisémitisme. Jung, c'est un fait qu'on ne peut passer sous silence, était antisémite et l'est resté, comme le prouvent les articles qu'il écrivit pendant la guerre pour la revue de la Société de psychiatrie allemande, dirigée alors par le neveu de Göring. Freud le savait. Il a confié à l'un de ses amis les plus fidèles, le pasteur Oscar Pfister, que Jung avait surmonté cette fâcheuse disposition en sa faveur, en quelque sorte pour l'amour de lui. On imagine sa déception quand il dut constater son erreur et que celui qu'il aimait comme un fils, bien loin qu'il le vengeât en lui ouvrant toutes grandes les portes de la science, était passé dans les rangs de ses ennemis. Cette déception explique les regrets qu'inspire à Freud le passé tout proche de la psychanalyse, époque où sa solitude totale, pour douloureuse qu'elle fût, lui épargnait du moins de pénibles querelles intestines et lui laissait l'esprit libre. Quand, laissant les troubles et les angoisses du présent, je me reporte à ces années de solitude, il me semble que ce fut un temps héroïque, non sans beauté. La splendid isolation ne laissait pas d'avoir ses avantages et ses charmes. Je n'avais pas de littérature à lire, pas d'adversaire mal informé à convaincre. Je n'étais soumis à aucune influence, pressé par rien. J'apprenais à maîtriser mes tendances à la spéculation et, suivant le conseil impérissable de mon maître Charcot, à regarder les mêmes choses d'un regard toujours neuf, aussi longtemps qu'il le fallait pour qu'elles se missent d'elles-mêmes à parler. Mes publications, qu'avec quelque peine je finissais toujours par caser, pouvait toujours rester fort loin en deçà de mon savoir, et, n'ayant à défendre aucune priorité douteuse, je pouvais les différer à mon gré. Souvent, par la suite, Freud a idéalisé ce que Fliss, pour le consoler, avait coutume d'appeler son splendide isolement. Les raisons qu'il donne ici de ses regrets sont tout à fait remarquables. Elles montrent, en clair, les contradictions multiples qui, toute sa vie, compliquèrent ses relations avec la science et valurent, par là même, à son œuvre, sa plus grande singularité. Il est hors de doute, en effet, que la science, ou à tout le moins cette forme de science élevée qu'incarnaient à ses yeux Bruck et Charcot, était pour Freud une instance universelle propre à briser les limitations et discriminations particulières dont, par ses origines, il avait personnellement tant à souffrir. Être reconnu par le monde scientifique de son temps, c'eût été avoir un statut normal, entrer dans une société humaine où l'on juge des choses selon leurs valeurs et non point en fonction de discriminations parfaitement irrationnelles contre lesquelles il n'y a ni preuve ni défense. Or, Freud s'aperçut bien vite que sa situation anormale de juif à demi toléré se reproduisait exactement, encore que sous d'autres prétextes, à l'intérieur du domaine scientifique où précisément il espérait se libérer. Au lieu d'accueillir ses idées et de les discuter franchement, on s'en débarrassait d'un mot ou d'un geste humiliant, exactement comme l'Empire réglait son cas en posant sur sa personne une étiquette ignominieuse. Cette répétition qui semblait sceller son destin compromettait gravement l'avenir de la psychanalyse, son invention que, par une allusion ironique à la Christian Science, on appelait déjà la science juive. À l'égard de l'instance qui restait pour lui la plus haute et la plus légitime, Freud éprouvait donc des sentiments fort partagés. D'un côté, en effet, la science se confondait avec la vérité qu'il voulait servir et à quoi il devait rendre des comptes. De l'autre, elle l'avait repoussée, rejetée dans un exil qui récompensait bien mal sa foi et sa probité. À cause de cet abandon, elle lui inspirait un violent ressentiment dont, semble-t-il, il ne s'est jamais guéri tout à fait. De cet amour et de cette haine si étroitement solidaires l'un de l'autre découlent naturellement certaines particularités du mouvement psychanalytique et, de façon plus frappante encore, certains traits de la composition de son œuvre. Ainsi, l'idéal d'une probité scientifique inattaquable allait de pair chez Freud avec le désir d'affirmer sa singularité et de se débarrasser de toute contrainte. Ces deux exigences n'étaient pas commodes à concilier, car la probité scientifique, par exemple, obligeait Freud à se soumettre à quantité de conventions, notamment dans les questions de priorité. Mais, vu son sentiment très fort de l'urgence et de la nouveauté de ses idées, il ne le faisait qu'avec impatience et parfois incomplètement. Les quelques manquements au code scientifique dont il se rendit coupable de la sorte, par ignorance, étourderie ou lassitude, étaient en eux-mêmes sans grande conséquence, mais ils pesaient lourd à sa conscience pointilleuse, si l'on en juge par la fréquence dans son œuvre et surtout dans les rêves qu'il rapporte, des thèmes plus ou moins liés au vol des idées. Freud semble avoir été prédestiné à se débattre dans ces questions de priorité qui, bien entendu, ne lui étaient nullement indifférentes, mais que ses sentiments contradictoires à l'égard de la science le conduisaient parfois à traiter légèrement, au risque de prêter le flanc à la critique. Pour commencer, il devait la première forme de sa méthode de traitement à Joseph Breuer, qui avait lui-même cessé de l'appliquer. Et l'on voit, dans la psychopathologie de la vie quotidienne, combien il est irrité quand, dans une quelconque réunion, la méthode de Breuer-Freud donne lieu à un lapsus, ce qui, bien entendu, arrive fréquemment. Mais les pires désagréments à cet égard lui vinrent incontestablement de La science des rêves, le livre dont il disait qu'aucun autre n'avait été si totalement sien et qu'il dut pourtant défendre à maintes reprises contre le reproche de malhonnêteté. On a vu dans les lettres à Fliss avec quel ennui Freud s'était imposé l'énorme compilation qui précède l'exposé de ses propres idées. Était-ce cet ennui la version que lui inspiraient ses prédécesseurs ou encore la crainte de se voir devancé, crainte qu'il exprime au moins une fois dans une lettre, en tout cas, sa liste des travaux sur le rêve présentait quelques oublis et sa bibliographie une ou deux lacunes très visibles. Naturellement, tout cela fut rectifié du mieux possible dans les éditions suivantes, mais Freud n'en fut jamais satisfait et 20 ans plus tard, il écrivait encore au pasteur Pfister comme pour prévenir ses éventuels reproches. « Je suis vraiment très ignorant de ceux qui m'ont précédé dans l'interprétation des rêves, et si nous venons à nous rencontrer, vous ferez sûrement mauvais accueil aux plagiaires que je suis. Mais c'est un tel plaisir d'interroger la chose elle-même, et non pas la littérature qui en traite. » Plus tard encore, la priorité des idées sur le rêve devait provoquer un petit différend entre Freud et André Breton, qui, l'un des premiers en France, s'était réclamé de ses idées. Breton avait écrit dans les vases communicants que la symbolique freudienne du rêve ne faisait que reprendre les idées de Folkelt, un auteur de la fin du siècle dernier, sur qui la bibliographie de la science des rêves restait, selon lui, assez significativement muette. Freud répondit sur le champ sans prendre le temps de lire le livre jusqu'au bout. « Cher Muscu, soyez assuré que je lirai avec soin votre petit livre « Les vases communicants » dans lequel l'explication des rêves joue un si grand rôle. » Jusqu'ici, je ne suis pas encore allé bien loin dans cette lecture, mais si je vous écris déjà, c'est qu'à la page 19, je suis tombé sur une de vos impertinences que je ne puis m'expliquer facilement. Vous me reprochez de ne pas avoir mentionné dans la bibliographie Folkelt qui découvrit la symbolique du rêve, bien que je me sois approprié ses idées. Voilà qui est grave, qui va tout à fait à l'encontre de ma manière habituelle. En réalité, ce n'est pas Folkelt qui a découvert la symbolique du rêve, mais Scherner, dont le livre parut en 1861, alors que celui de Folkelt date de 1878. Les deux auteurs se trouvent plusieurs fois mentionnés au passage correspondant de mon texte, et ils figurent ensemble à l'endroit où Folkelt est désigné comme partisan de Scherner. Les deux noms sont aussi contenus dans la bibliographie. Je puis donc vous demander une explication. Pour votre justification, je trouve en ce moment que le nom de Folkelt ne se trouve effectivement pas dans la bibliographie de la traduction française. À plus de 30 ans de distance, Freud aurait pu vraiment ne pas se soucier d'une accusation manifestement outrée dont sa réputation n'avait plus guère à souffrir. Au contraire, il en fut bouleversé à tel point que le lendemain même, il écrivit à Breton une seconde lettre où il tentait de justifier tout le monde, Breton, lui-même et son traducteur. Devant cette hâte un peu brouillonne, André Breton, qui avait lu la psychopathologie de la vie quotidienne, eut beau jeu de conclure qu'il avait dû ici toucher un point sensible. C'était plus vrai qu'il ne croyait. Freud faisait partie de ces êtres profonds, chez qui le temps ne flétrit rien et qui repensent éternellement leur vie. À l'âge de 76 ans, le reproche d'un homme jeune, lui-même intègre et passionné, dut raviver en lui le souvenir d'anciennes querelles, où il avait été tantôt l'accusateur, tantôt l'accusé, tantôt le coupable à ses propres yeux. Un peu avant sa rupture avec Jung, il lui avait vivement reproché d'avoir utilisé ses travaux dans un article sans citer son nom. Et, à une époque encore plus reculée, il s'était trouvé mêlé à une déplorable affaire de priorité où l'accusateur, cette fois, était Wilhelm Fliss, l'homme dont l'amitié avait joué un si grand rôle dans sa vie. Cette affaire passablement compliquée avait trait à la question de la bisexualité, sur quoi Fliss revendiquait un droit de priorité, et qui, dès 1897, avait fait l'objet d'une discussion entre les deux hommes lors de leur congrès de Breslau. Quelques années plus tard, Freud fut pris à ce sujet d'une étrange amnésie qu'il analyse dans la psychopathologie de la vie quotidienne. En été 1901, je déclarai à un ami avec lequel j'avais alors des discussions très vives portant sur des questions scientifiques, « Ces problèmes concernant les névroses ne peuvent être résolus que si l'on admet sans réserve l'hypothèse de la bisexualité originelle de l'individu. » Et mon ami de répondre, « C'est ce que je t'ai déjà dit à Breslau, il y a plus de 2 ans, au cours d'une promenade que nous fîmes un soir. Mais à ce moment-là, tu ne voulus pas en entendre parler. » Il est douloureux de se voir dépouillé ainsi de ce qu'on considère comme son originalité. Je ne puis me souvenir ni de cette conversation datant de plus de 2 ans, ni de cette opinion de mon ami. L'un de nous deux devait se tromper. D'après le principe qui proteste, ce devait être moi. Et, en effet, au cours de la semaine suivante, j'ai pu me rappeler que tout s'était passé comme l'avait dit mon ami. Je sais même ma propre réponse d'alors. Je n'en suis pas encore là et ne veux pas discuter cette question. Depuis, je suis devenu plus tolérant quand je trouve exprimé dans la littérature médicale une des idées auxquelles on peut rattacher mon nom sans que celui-ci soit mentionné par l'auteur. Cette dernière assertion n'était pas tout à fait sincère. Non seulement Freud ne devint pas plus serein dans les questions de priorité scientifique, mais 10 ans plus tard, quand il reprocha à Jung un manquement semblable à son égard, il tomba soudain évanoui. L'incident se passait à Munich, ville où Freud était allé pour la première fois lors d'une maladie de Fliss et qui, depuis, était resté intimement associé à cette période de sa vie. L'affaire de la bisexualité eut encore un lamentable épilogue. En 1903, un jeune philosophe viennois, Otto Weininger, avait publié un livre intitulé « Sexe et caractère ». Dans lequel il mettait au premier plan l'idée de la bisexualité. Ayant appris que Weininger était extrêmement lié avec un jeune psychologue élève de Freud, Svoboda, Fliss pensa aussitôt que l'idée de Weininger venait de lui. Interrogé là-dessus, Freud affirma que Svoboda n'était pas son élève, mais son patient. Il avait bien pu, en cours de séance, lui parler d'une constitution bisexuelle de l'homme sans l'initier autrement à la théorie. Mais Fliss ne se donna pas pour satisfait. Était-il exact, oui ou non, que Freud avait eu un entretien avec Weininger et lui avait fait lire un manuscrit de Fliss sur ce sujet? Freud, alors, cessa de biaiser. Il confessa qu'il l'avait fait, poussé par le désir obscur de dépouiller Fliss de son idée originale, désir qui se rapportait aux motivations extrêmement complexes de leur amitié. Fliss n'en fut pas touché, mais furieux. Il rompit définitivement, et 2 ans plus tard, défia Freud en publiant un certain nombre de ses lettres choisies parmi les plus intimes. En 1905, il incita même l'un de ses amis à publier un petit livre où Freud, Svoboda et Weininger étaient publiquement accusés de plagiat. Weininger s'étant suicidé 1 an après la publication de son livre, Freud et Svoboda restaient seuls à se défendre. Freud le fit en écrivant à la presse, Svoboda en publiant un livre où il exposait et discutait les revendications de Fliss, lequel se rendait suspect par d'évidentes idées de persécution. Juridiquement, l'affaire sans doute était ambiguë. Moralement, elle fut pour Freud l'une de ces expériences douloureuses avec lesquelles il ne cessa de se confronter toute sa vie pour en tirer non pas seulement une connaissance accrue de lui-même, mais un nouveau savoir sur l'homme. Freud ne se distinguait pas de l'homme ordinaire par une santé ou un équilibre psychique exceptionnel. Son héroïsme, car c'en est un, tient uniquement à son refus de se débarrasser de son fardeau en l'oubliant, en le niant ou en l'enjolivant par d'habiles retouches esthétiques. Aucune des choses qu'il avait fait souffrir ou troubler, aucune des énigmes qu'il s'était posées à lui-même ne sortait jamais de sa vie. À l'âge de 80 ans, il écrit à Romain Rolland une lettre admirable où, en guise de cadeau d'anniversaire, il lui offre l'analyse d'un trouble de mémoire survenu lors de son premier voyage à Athènes 30 ans auparavant. Et il est fort âgé quand, se souvenant d'un homme qui s'était lui aussi frayé un chemin nouveau à travers le labyrinthe des rêves, il n'hésite pas à débattre publiquement cette obscure question de propriété intellectuelle qui l'avait troublé et poursuivi toute sa vie. L'article intitulé « Popper-Linkeus et la théorie du rêve » est l'un des deux textes que Freud consacre au savant, ni médecin ni psychologue du reste, mais physicien, dont le livre avait paru en 1899, et de ce fait se trouvait en quelque sorte frustré de sa gloire par la science des rêves. Freud ne le connaissait pas personnellement, bien qu'il vécût à Vienne, et il n'avait pu citer son livre puisqu'il avait paru en même temps que la science des rêves. L'article qu'il écrivit 23 ans plus tard est tout à la fois un hommage ému à Popper-Linkeus et une pénétrante analyse de cette situation. Il y aurait beaucoup de choses intéressantes à dire sur l'originalité scientifique. Quand une idée fait son apparition dans la science, idée à quoi l'on donne d'abord la valeur d'une découverte et qui, en bonne règle, est d'ailleurs combattue comme telle, la recherche objective ne tarde pas à démontrer qu'en fait ce n'était pas une nouveauté. En général, la découverte a déjà été faite à plusieurs reprises, puis on l'a oubliée, à des époques séparées parfois par de longs intervalles. Ou bien, elle a eu des précurseurs, a été confusément pressentie ou imparfaitement exprimée. Ce sont là des choses trop connues pour qu'il soit besoin de s'y arrêter. Mais le côté subjectif de l'originalité mérite aussi d'être examiné. Imaginons qu'un travailleur scientifique se demande un jour d'où lui viennent les idées singulières avec lesquelles il s'approche de son matériel. Pour une part d'entre elles, il retrouve sans beaucoup réfléchir à quelles instigations il a obéi, comment il a utilisé des données étrangères pour les modifier et les conduire jusqu'à leurs dernières conséquences. Mais pour une autre part de ses idées, il ne retrouve rien de tel. Il lui faut admettre que ses pensées et façons de voir sont nées, il ignore comment, de sa propre fonction intellectuelle, et c'est sur elle qu'il fonde sa prétention à l'originalité. Cette prétention se trouve encore restreinte par un examen psychologique minutieux. Celui-ci, en effet, découvre les sources cachées, oubliées depuis longtemps, où l'impulsion aux idées prétendues originales a pris naissance. Il met donc à la place de la création censément nouvelle des choses oubliées, qui revivent en s'appliquant à une matière nouvelle. Il n'y a rien là à regretter, car on n'avait nullement le droit d'espérer que l'original fût dérivé de rien et indéterminé. C'est de cette manière que, dans mon cas, l'originalité de beaucoup d'idées nouvelles que j'ai apportées à l'interprétation des rêves et à la psychanalyse s'est peu à peu évaporée. Il n'y a qu'une seule de ces idées dont je ne connaisse pas l'origine. C'est celle qui est devenue la clé de ma conception du rêve et qui m'a aidé à déchiffrer ces énigmes, autant qu'elles soient devenues déchiffrables jusqu'à présent. J'étais parti du caractère étrange, embrouillé, absurde que présentent beaucoup de rêves. Et l'idée m'était venue que le rêve devait être ainsi parce que, en lui, quelque chose lutte pour s'exprimer qui rencontre la résistance d'autres forces de la vie psychique. Dans le rêve, des tendances secrètes s'agitent qui se trouvent en opposition avec les convictions éthiques et esthétiques en quelque sorte officielles du rêveur. C'est pourquoi le rêveur a honte de ses tendances à l'état de veille. Il s'en détourne, n'en veut rien connaître. Et si, la nuit, il ne peut pas leur interdire toute espèce d'expression, du moins les oblige-t-il à se dénaturer, ce qui rend le contenu du rêve confus et absurde. J'ai appelé « censure du rêve » la force psychique qui tient compte de cette contradiction intérieure et dénature les tendances primitives du rêve au profit des exigences conventionnelles ou encore des besoins spirituels élevés du rêveur. Or, ce point essentiel de ma théorie a été trouvé par Popper-Linkéus lui-même. Il n'est pour s'en convaincre que de lire le passage suivant de son récit « Le rêve comme la veille » tiré des fantasmes d'un réaliste, livre écrit sans aucun doute dans l'ignorance de ma science des rêves, publié en 1900, tandis que de mon côté, j'ignorais tout des fantasmes de Linkéus. D'un homme qui a la particularité remarquable de ne jamais rien rêver d'absurde. Cette merveilleuse particularité de rêver comme l'on veille repose sur tes vertus, sur ta bonté, ton esprit de justice, ton amour de la vérité. C'est la transparence morale de ta nature qui me rend tout compréhensible en toi. En y songeant bien, je croirais presque que tous les hommes sont faits comme moi. Et que personne ne rêve jamais rien d'absurde, un rêve dont on se souvient clairement et que l'on peut raconter, un rêve qui n'est pas le délire de la fièvre, a toujours un sens. Et il ne peut pas en être autrement, car ce qui est contradiction ne pourrait pas se grouper pour former un ensemble. Que le temps et l'espace soient parfois bousculés n'ôte rien au vrai contenu du rêve, car certainement ni l'un ni l'autre n'avait d'importance pour sa teneur essentielle. Ne faisons-nous pas souvent de même à l'état de veille? Pense aux contes, pense à tant d'images pleines de sens dont seul un ignorant dirait « c'est absurde parce que c'est impossible ». Si seulement on savait interpréter correctement les rêves comme tu viens de le faire pour le mien. Ce n'est sûrement pas une tâche facile, mais avec quelque attention, le rêveur devrait toujours y parvenir. Pourquoi est-ce que cela échoue la plupart du temps? Il semble qu'il y ait quelque chose de caché dans vos rêves, une lubricité d'une nature spéciale et élevée, une certaine dissimulation difficilement concevable dans vos êtres. C'est pourquoi vos rêves paraissent si souvent dénués de sens, ou même être des non-sens, mais tout au fond, ce n'est pas vrai. Non. Et il ne peut pas en être autrement, puisqu'il s'agit toujours du même homme, qu'il veille ou qu'il rêve. Je crois que ce qui m'a rendu capable de découvrir la cause de la déformation du rêve était mon courage moral. Chez Popper, c'était la pureté, l'amour de la vérité, la transparence morale de son être. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, Jacques Bretonnière, René Farabet, Jean Muselier, Jean Topard, dans Freud et la science. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France 3 Nationale les 2 et 9 mars 1963.